Je me rappelle des belles années quand j'étais jeune. À cette heure, c'est de la marde que je mange, même quand je déjeune. Sur qui tu veux compter le gros quand t'es seul? À cette heure, ma vie est dans, sauf c'est sûr que je m'isole. Je me rappelle des belles années quand j'étais jeune. À cette heure, c'est de la marde que je mange, même quand je déjeune. Sur qui tu veux compter le gros quand t'es seul? À cette heure, ma vie est dans, sauf c'est sûr que je m'isole. J'ai l'air triste la manière je m'exprime. C'est parce qu'une certaine fille a percé mon cœur comme un fleuret d'escrime. Je voudrais commander une dernière chance comme dans un service à l'auto. Mais j'ai toujours tant de chances de gagner à l'auto. Mes mains en manquent de massage, mes mots en manquent de messages. Ton image me manque, yo, c'est un mauvais présage. J'sens l'orage, mes yeux s'en crient, puis mes larmes pleuvent. C'est la rage tant crise, ma vision de la vie est veuve. Je voyais les histoires d'amour dans les films, puis je pensais que je vais vivre la même chose. Mais quand je vois ma vie qui défile, je vois que c'est loin d'être à l'eau de rose. Trop de rose dans ma tête, trop de choses dans mon cœur. Mes larmes arrosent mes maux de tête, puis y'a autre chose qui m'écœure. Je peux pas te cacher que j'ai peur de dire ce qui se passe dans mon moi-même. C'est beau d'être le bonhomme, ça tord. Mais vois les problèmes, ça m'amène. Je commence par ramène, puis je fais mon signe de croix après. J'suis comme un sac de ramen, faut que tu m'écrases avant de m'ouvrir. Mais avant de mourir, voudrais que tu sois conscient que j'essaie de garder le sourire, même si j'ai perdu confiance en l'amour. Les belles paroles qui nous font smile, c'est toutes ces illusions-là qui nous font smile. Me voyais comme Mickey, Mallory Knox, t'es un natural born killer. Parce que t'es mon assassin, I'll cry every night. Dilla, c'est que ma face ratatine, ratatine, ratatine. Je me rappelle des belles années quand j'étais jeune. À ce temps, c'est de la marde que je mange, même quand je déjeune. Sur qui tu veux compter le gros quand t'es seul? À ce temps, ma vie est dans, sauf c'est sûr que je m'isole. Je me rappelle des belles années quand j'étais jeune. À ce temps, c'est de la marde que je mange, même quand je déjeune. Sur qui tu veux compter le gros quand t'es seul? À ce temps, ma vie est dans, sauf c'est sûr que je m'isole. Jeune depuis longtemps, je sais pas ce que me rapporte le temps. Fatigué, j'avance seulement à cause du vent. Vieillir, j'ai pas passé, c'est peut-être pas encore le moment. Ce que je désire, c'est rester et être tapé de mon divan. Watcher des films de fesses, all the day. Partir en fesses, activité, c'est tentant. Mais toi, si tu m'entends, pourquoi tes parents m'entendent en tentant de montrer que t'entends rien? Passant à t'éduquer, de sorte à ce que tu passes très bien. Choisis la bonne porte, je suis scobré de ta faim. Va faire une job de corn, de sorte pas. Fais du porn, bébé. J'penserais pas que ça m'arrive un jour, bébé. Ma mère me crisse dehors, mon père dit que j'suis là, j'me recouche, j'me retourne de bord. Puis j'me dis que ma vie, j'la gâche, hein. J'la gâche, hein. J'la gâche, hein. J'la gâche, hein. J'la gâche. J'me rappelle des belles années quand j'étais jeune. À ce temps, c'est de la marde que j'mange, même quand j'étais jeune. Sur qui tu veux compter, gros, quand t'es seul? À ce temps, ma vie est dans, sur c'est sûr que j'm'isole. J'me rappelle des belles années quand j'étais jeune. À ce temps, c'est de la marde que j'mange, même quand j'étais jeune. Sur qui tu veux compter, gros, quand t'es seul? À ce temps, ma vie est dans, sur c'est sûr que j'm'isole.